Mbote keseni, mbote bapesa kinga, na vanda kinandako, ça je n'ai jamais vu. Papa, attention. La base de la folle à la terre. Souka ya malili et salimka. Zotu nanga et salim passe. Bobi yanga boula. Bangi mobana. Nago sala le lote. Yantoube kende pa ya chef. Chantal Zalima Lali Yampazi Mote Keseli Mote Bape Sakinga Navanda Kinanda Ça je n'ai jamais vu.